Les tentatives d'expédition dans la péninsule coréenne des forces d'autodéfense japonaises deviennent de plus en plus ouvertes. Surtout, le Japon prévoit d'organiser le 12 juillet, au centre de Séoul, une cérémonie commémorative consacrée à la fondation de ses forces d'autodéfense. C'est une expression de la nature belliqueuse du Japon militariste orientée vers la péninsule coréenne, tout en préparant la régression afin de réaliser à coup sûr son ancien rêve de sphère de coprospérité de la grande Asie orientale.